Automnal. Campagne douce, au front des onques transfigure un bel or sombre. Il n'est que brume aux horizons qu'apporte avec l'automne l'ombre. Les prés se calment, le ciel fuit dans un flot de lumière tendre. Aucun désir ne peut surprendre le cœur et l'âme avant la nuit, s'il ne couve dessous la cendre ce feu pour y pouvoir reprendre qui toujours dans l'abîme luit.